petit peu comme tous ces gens. Je m'adoucis avec le temps et j'avance malgré le vent, même si tout le monde t'écœure. J't'ai laissé faire parce que c'était risqué, comme un mystère qu'on n'a jamais percé. Comme un moteur, j'aurais dû nous booster. Puis t'es parti et t'as gardé les clés. Et j'suis restée figée. Je m'étais dit que tu ne le ferais pas, parce qu'ici tout se sait. Je te l'ai dit dès le départ. Je n'ai jamais vraiment souffert avec les mots d'amour. Toi tu brilles des preuves, je te les ai montrés tous les jours. Des mots d'amour. Car je suis un petit peu comme tous ces gens. Je m'adoucis avec le temps et j'avance malgré le vent. Même si tout le monde dit que je n'ai jamais vraiment su faire avec les mots d'amour. Toi tu voulais des preuves, je te les ai montrés tous les jours. Des mots d'amour. Je t'ai laissé faire, j'y ai cru dur comme fer. Je voulais créer notre monde, pas chacun dans sa sphère. Je voulais pas me taire, non je voulais pas te perdre. On était partenaires, là j'ai le moral à terre. Je suis pas dans les clichés. Les non-dits et le temps nous séparent. Et maintenant tu le sais, je te le demande, viens on redémarre. Des mots d'amour.